Puis là, tu as toutes sortes de situations qui viennent dans le monde pour soulager, soulager des excès de pureté. Des sectes, des religions, des sociétés d'aide, d'entraide. Il y en a qui essaient de te coller encore plus. Ça, c'est Marriage Encounter, là, ils te collent. Là, ils te pompent pendant 3 jours, ils te sortent de ta petite pilaire, là, t'sais. Des petites pilaires. Elle a pleuré, puis tu pleures. Puis ils sortent tous les deux, là, bras dessus, bras dessous. T'sais. Ils s'aiment. Et lundi matin, ça recommence encore. Ils commencent à se douter, là. Commencent à se douter, là. Il y a une autre technique, comment est-ce que vous appelez ça? Comment vous appelez ça? Quand vous mettez ensemble, le monde se met ensemble, puis ils se parlent, là, comme ils sont. Dynamique de groupe, là? Ouais, de dynamique de groupe, j'appelle ça de dynamite de groupe. Là, ils sont tous en Californie, ça, c'est bien populaire. Là, ils se mettent tous ensemble, là, puis ils se disent leurs 4 vérités, là. Puis le gars, il sort de là, là. Il n'est pas encouragé. Il est démoli. Vas-y. Ah. Démoli net. La dynamite de groupe. Ça marche. Comprends? Ils t'ont démoli. Ça se parlerait de là-dedans. T'es un Christ de menteur. T'es une maudite putain. Fait que tu comprends que la fille, elle sort de là, il reste plus rien. Là. Le petit matériel qu'elle avait, là, n'a plus. Là, il est déculotté pour le vrai. Là, faut tout la reconstituer. Et... La dynamite de groupe. Marriage Encounter. C'est très bon. C'est pas ça que je veux dire. J'explique la mécanique. J'explique ce que ça ne peut pas faire, mais ce que ça fait. Ça crée des bons sentiments. Fait que si tu es un bon moniteur là-dedans, là, il va te moniter pour 3 mois. Tu es bon 3 mois. Tu retournes pour 3 mois, tu continues encore. Si tu situes si pendant 40 ans, il va te moniter pendant 40 ans. Il gagne. Mais il faut que tu y ailles au bout de 3 mois. Ben. Tu attends 4 mois, là, l'énergie tombe. Yeah. Donc, ça va loin, la survie. Tu peux pas repatcher ce qui est cassé. Ce qui est cassé, c'est cassé. Ce qui est cassé, c'est cassé. Mais ce qui est cassé, on ne veut pas le regarder, plutôt, quand c'est cassé. Quand il y a une petite craque, on ne veut pas regarder. Quand il y a une petite craque. Puis on sait quand il y a une petite craque. On l'a senti quelque part qu'il y a une petite craque. On l'a senti qu'il y a une petite craque. On ne la regarde pas, une petite craque. 2 ans après, une grosse craque. 10 ans après, c'est une séparation. Ou c'est une craque rapiécée. C'est subtil. On a une amie de fille, une amie de femme, nous autres, qui a marié un bonhomme qui s'appelait exactement comme moi. Qui avait mon même nom. Gentil bonhomme. Pas du bonhomme. Gentil bonhomme. Réunion, bien, quelqu'un de bien, anglo-saxon. Propre. Puis, parce qu'il s'appelait comme moi, quand elle l'a rencontré, elle dit c'est ça, c'est un signe du ciel. Là, elle s'est mariée, mais là, il commence à avoir des petits cracks. Mais il s'appelait comme moi. On pourrait s'appeler des petits cracks. Des petits cracks. Puis un jour, elle a été obligée de réaliser que c'est pas parce qu'il s'appelait comme moi qu'il n'y avait pas de craque. Elle a été obligée de prendre une décision. Elle l'a pris. Heureusement qu'elle l'a pris. Ah. Elle l'a pris. Fait qu'on s'en joue des free games. Fait que dans le phénomène de la survie, on est pris de tous les bords, on est présenté constamment des situations. On est présenté des situations, puis on est piégé. On se piège nous-mêmes. C'est d'en arriver à voir à travers des situations, c'est ça le discernement que je parle tant. Mais ça, il faut souffrir. Il faut y faire les gaffes.